gal douce tout. C'est au poco cactus. Toute prestation en moyen annulé ou bien repoussé. Donc on est en bas, dis-moi qu'au cas pensé. Voyez-moi un WhatsApp en cas passé. Netflix and chill bien intense. Désinfecté avec grande attention. J'ai pas les mêmes budgets des provisions. Ouh bébé, fais tomber ton masque. Le virus craint la chaleur, donc fais-moi fondre. Je promets qu'on ne verra pas le temps passer. Préparons un nouveau monde, rien qu'à nous deux. Oui, moi envie. Confinez-moi un verre. Confinez-moi un verre. Envie, rétez fermé un verre. Rétez fermé un verre. Envie, confinez-moi un verre. Confinez-moi un verre. Envie, rétez fermé un verre. Rétez fermé un verre. Pour nous, c'est no, no, no, corona, c'est no, no. No corona, c'est no, no, no corona, c'est. Pas de ciné, pas de resto, pas de bar, donc rendez-vous à Gaza. Pas de métro, pas de boulot, donc coup d'eau direction, wow. Nous fais pas mando quand nous tuer le temps. Nous qui fait bien, nous qui fait un profitant. Laissez-moi faire mon petit confidence, on veut pas répondre d'autre côté. Moi envie, confinez-moi un verre. Confinez-moi un verre. Envie, rétez fermé un verre. Rétez fermé un verre. Envie, confinez-moi un verre. Confinez-moi un verre. Envie, rétez fermé un verre. Même sans symptômes, je serai ton remède. Je demande mon côté Superman. C'est le monde entier qui bat de l'aile. Dans notre bulle, on s'en fout pas mal. On ne va plus compter les jours. De tout tes recoins, je ferai le tour. On sera les seuls sur